L'actualité à Nancy et ailleurs. Les amateurs de festivals, cette interview devrait particulièrement vous intéresser. Aujourd'hui, je suis avec Rémi Méraud. Bonjour, vous êtes membre de l'association Être Écolier. Merci d'être avec nous. Vous venez aujourd'hui nous parler du Méloz Festival. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez présenter à nos auditeurs le festival ? Tout d'abord, qu'est-ce que veut dire Méloz Festival ? C'est un petit clin d'œil au Méloz Méloz, qui est un habitant de nos régions. Donc, c'est le blaireau d'Europe. C'est un animal qu'on a su photographier sur notre verger partagé où tiendra le festival. Et donc, c'est un festival qui a été construit en programmation ouverte, c'est-à-dire que ce sont les adhérents et adhérentes qui ont proposé la programmation et qui l'ont construite. Et donc, il se déroule sur 4 jours. Il y a 2 jours de Bifort, les 12 et 13 juin. Et puis, le festival a lieu les 14 et 15 juin. Et qu'est-ce qui fait la particularité de ce festival, selon vous ? On a essayé de fédérer les initiatives qui nous semblaient aller dans le bon sens au niveau local, dans le Saintois. Et du coup, c'est une première édition et un super rendez-vous pour, dans le même lieu, à la fois faire la fête et rencontrer des initiatives inspirantes. C'est, je pense, qui va faire son petit caractère. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, une des particularités aussi que vous avez, c'est que les prix, les tarifs sont libres. C'est ça, nous on croit fermement au prix libre et conscient. À ce propos, il y aura une conférence sur ce sujet durant le festival. Et donc, nous proposons des entrées par passe 1 ou 2 jours ou selon les activités et tout ceci à prix libre et conscient. Donc, pour 0,1 centime, vous pouvez bénéficier des 2 jours ou vous donner à la juste valeur selon ce que vous estimez juste. Et donc voilà, c'est du prix libre, c'est comme ça qu'on fonctionne à l'association. Et quel est le type de public qui sera au festival ? Alors, on attend tout public. On a une programmation qui est dédiée aux enfants, mais la plupart des ateliers sont ouverts à toutes et tous, peu importe l'âge. Mais il y a aussi des activités, des spots dédiés aux enfants. Et les spectacles, aussi bien les contes que les concerts, même voir les conférences, sont accessibles à tous. Et si vous deviez résumer l'ambiance du festival en 3 mots, ce seraient lesquels ? Ah, mais c'est une super question, mais comme c'est une première édition, voilà, je l'espère joyeuse, conviviale et enchantée. Et si l'on souhaite devenir bénévole, comment fait-on ? Oui, ça c'est une super question, donc 2 appels, 1 appel à bénévole, il est temps de rejoindre les équipes, écrivez-nous directement à êtreécolier, être.éco.lier@gmail.com. On est encore en train de monter les équipes bénévoles, soyez les bienvenus. À partir du 7 juin. Et j'en profite pour passer un 2e appel. Il y aura un village des associations avec des producteurs locaux et des stands associatifs. Et il est encore temps de rejoindre l'aventure. Donc, à la même adresse, être.éco.lier. Faites-nous, @gmail.com. Faites-nous un petit coucou pour rejoindre le festival. Et enfin, où est-ce que nos auditeurs peuvent retrouver toutes les informations pratiques pour venir ? C'est très simple. Alors, vous allez sur Hello Asso, qui est un portail associatif, où vous pourrez trouver à la fois la billetterie et les informations utiles, ainsi que tout le programme. Dans l'onglet Recherche de Hello Asso, vous tapez le Méloz Fest et vous trouverez notre événement. Et si vous avez Facebook, vous pouvez de la même manière taper Être Écolier dans la barre de recherche pour trouver l'événement. Merci beaucoup Rémi Méraud d'avoir été avec nous. Le festival Méloz Fest est du samedi 14 au dimanche 15 juin à Xirocourt. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.